Oh là là, arrête de ruminer là. Tu vis dans le passé et tu appréhendes le futur. Fais comme moi, profite du temps présent. Ouais, mais j'ai quand même un peu perdu mon boulot. Oui, bon ben c'est l'occasion de faire quelque chose que tu aimes vraiment. Ma femme m'a quitté pour mon patron. En même temps, ça faisait longtemps que ça n'allait plus vraiment entre vous. Hein. Et mes enfants, ils me parlent même plus au téléphone. Mais tu es enfin libre. Carpe diem. Du coup, j'ai couché avec ta femme pour me remonter un peu le moral. Hein? Et là, tu le sens bien mon carpe diem? Attention, le carpe diem comporte des risques dans certaines situations. Si vous avez un doute, consultez un psychiatre. Ceci était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?